20 ans se sont écoulés depuis la création du chant du général Kim Jong-il, hymne révolutionnaire immortel. Il est composé à l'occasion du mois de février de l'an 86 du Juche 1997 en l'honneur de grands exploits impérissables accomplis pour la patrie, la nation, l'époque et l'histoire. Cet hymne de vénération envers le grand promoteur de Sun Gun sans pareil, patriote ardent sans précédent et grand saint de la révolution, est vulgarisé largement dans plus de 150 pays du monde, tout en témoignant le respect de l'humanité progressiste envers le grand homme coréen.